Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen. Cours numéro 3. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammadin wa ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Comment nabda avant de commencer? Tanbihan. Deux points à mettre en attention. L'awwal ما يتعلق بالعلا qu'on est pas العلا. À un moment, je te rappelle, j'avais, m'en rappelais plus si on disait العلاني, si on mettait le noun ou pas. Ouais. Ah, Inch'Allah, on peut mettre le noun. J'ai regardé dans Al-Mourni de Nujem, et dedans il dit que genre le plus souvent c'est que العلا il vient pas avec le noun, mais apparemment que cela est permis. Donc on peut dire العلاني, mais c'est très peu employé. Deuxième truc, en réécoutant les audios, pour voir s'il n'y a pas une erreur qui est traînée ou quelque chose comme ça. C'était dans l'exercice 11 de la page 10, avec Ra-Lin. En fait, quand je t'avais interrogé, tu t'étais trompé, et moi, je sais pas, j'étais où, j'ai même pas remarqué, en fait. Quand on disait, par exemple, Azal Kitabu, Rahisun, Wazaka, Ra-Lin. Et toi, t'avais dit Ra-Lion. Et je t'avais dit Naam. Maintenant, c'était Fata. Faut dire Ra-Lin. Il n'y a pas Ra-Lion. Et ça, même ce nom-là, qui prend Aya, il prend pas de Dhamma, en plus. Donc ça, faut faire attention. Donc c'était la phrase 2. Et la phrase 3. Naam. Au lieu de dire Ra-Lin, ça veut dire Ra-Lion. Donc ça, pareil, c'était pas correct. En fait, c'est Ra-Lin. Hazal Kitab ou Rahis, Wazaka Ra-Lin. Hazal Murjamu, Bimiyati Rial, ou Ra-Lin. طيب نعم فلليوم قلنا الأسئلة عن الدرس الثاني الحمد لله عليكم صلح وبارك لحظة أجيب عن الأسئلة الآتية من أين هشام دو هشام إنه من ولاية المتحدة المتحدة نعم إلى دي إزدابني من أي مدينة هو دو كيل فيل إتيل إنه من نيويورك نعم إلى دو نيويورك كم أخت له Combien a-t-il de sœurs ? Inna lahu thalatha akhawatin. Thalathu. Thalathu. Inna lahu, naam. Inna lahu thalatha akhawatin, naam. Bin Nasr. Asad. Tayyib. Thaniyan. Dor adil alamat amam jumel sahiha wa adil alamat amam jumel lati lisat sahihatan. Donc, les phrases sont correctes. Un trait et celles qui sont fausses, une croix. Hishamun min Washingtona. Salib. Naam. ومن نيويورك أخواته مسلمات سيسير فون دي مسلمات نعم صحيح بناته لسنا بمتزوجات صحيح نعم ses filles ne sont pas mariées أبناؤه طلاب ses filles sont des étudiants صليب أمه ليست بمسلمات sa mère n'est pas musulmane صحيح. نعم. أبوه مسلم. Son père est مسلم. صحيح. نعم. كنا أيضا إيش اليوم كانوا جد تمارينات أخرى. نعم. الثامن نعم طيب طيب اقرا المثال ثم ادخل ان على الجمل الاتيه دونك لي ليكزامبل ثم ensuite insère ان dans les phrases suivantes في الفصل خمسة طلاب جدد dans la classe il y a 5 nouveaux étudiants ان في الفصل خمسة طلاب جدد نعم بنصب خمسة لماذا لان خمسة هو اسم ان نعم هو اسم ان مؤخر وفي الفصل خبر ان مقدم لنا مدرس جيد هنا un enseignant très bon un bon enseignant ان لنا مدرسا جيدا نعم احسنت ما يعرف جيدا نعت المدرس نعم في جيبي 100 ريال dans ma poche il y a 100 ريال ان في جيبي 100 ريال نعم في الهندي انهار كثيره هنا il y a beaucoup de fleuves ان في الهندي انهارا كثيره لك برقية في المكتب البريد tu as un télégramme à la poste ان لك برقية في برقية برقية تن تن برقية في مكتب البريد نعم لي 1000 دولار في المصرف جي 1000 دولار يعني au change ان لي 1000 دولار في المصرف نعم طيب توجد هذا فقط نعم لي بوتشوز نعم طيب فالان سنواصل في الدرس الثالث طيب انت احمد وانا علي ان شاء الله تفضل كم طلابا لا كم طالبا في فصلكم يا علي في فصلنا 14 طالبا Donc, on va traduire en même temps. Donc, combien as-tu d'étudiants dans votre classe, ou Ali ? Dans votre classe, il y a 14 étudiants. Fifas, al-tullabu, fifaslina, aktharu. Fihi, tis'ata achara, taliban, ya Ali. Ma ismu al-talibi, jadidi, alladhi ja'a ams. Donc tu dis que les étudiants de notre classe sont plus nombreux, sont plus. Nous avons 19 étudiants au Ali. Quel est le nom du nouvel étudiant qui est venu ou qui est arrivé hier? Ali Yakoul, Ismuhu Usama. Il s'appelle Usama. Donc il dit, Ahmed dit, c'est-à-dire il est très grand, n'est-ce pas? Et là, Minel Mafroud en Yakoul. Alors, Mabarik, Masha'Allah, Hatta le Sibou Bil'in. Quand tu vois des choses qui te surprend, comme un collègue Nabi au Sassalem, il faut dire Masha'Allah, Tabarakallah, ou Mabarik, enfin un dua. Est-ce que tu peux l'atteindre du Aïn? Donc, en avance, toi, tu vois quelqu'un de grand, tu dis Wattawil, Jiddan, Masha'Allah, ou Mabarik. Naam. Ali Yakoul, Bala, Wattawil, Jiddan, Walakin Hamidan, Atwal, Minhu, Innaw Atwal, Talibin, Fifaslina, Waman Atwal, Talibin, Fifaslikum. Donc il dit bala, bala ça veut dire si, en effet. Wa tawilun jiddan, il est très grand. Walakin Hamidan atwal minhu, cependant Hamid est plus grand que lui. Innahu atwal talibin fi faslina, il est le plus grand étudiant dans notre classe. Wa man atwal talibin fi faslikum, et qui est le plus grand étudiant dans votre classe? Atwal talibin fi faslina Ibrahim. Donc le plus grand étudiant dans notre classe c'est Ibrahim. Adaftuka hadha ya Ahmadu. إن خطك جميل جدا ما شاء الله. Donc il dit, est-ce que c'est ton cahier qui est là ou Ahmed? Certes, ton écriture est très belle. Ma sha Allah. Et là, il dit ma sha Allah pour une écriture, mais il dit pas. Il dit pas pour son frère. Shukran ya Ali. خطي خطي جميل وخطك أجمل. Donc on dit Shukran ya Ali. Je te remercie, oh Ali. Khotti Jamil, mon écriture est belle. Wa khottuka ajmal, ton écriture est plus encore, est plus belle. Ali yakul, man hadha al-fata alladhi ma'aka ya Ahmed, ka'annahu akhuk. Il dit, quel est ce jeune garçon qui est avec toi, oh Ahmed? C'est comme s'il était ton frère. Na'am, huwa akhi ash-shafiq. La. Qaf. Ash-shaqiq. Na'am. Il dit, oui, c'est mon frère de sang. Shaqiq, c'est le frère de sang, du père et de la mère. Akbaru minka huwa am asghar? Est-il plus grand que toi ou plus petit? Huwa asgharu minni. Il est plus petit que moi. Fi ayyi marja'in anta ya akhi? Dans quel dortoir es-tu, ô akhi? Ana fi mahja'i al-khamis wa huwa ba'id jiddan 'an al-madrasa. Dit, je suis dans le dortoir, dans le cinquième dortoir, il est très loin de l'école. Ali yaqul, أنا في المرجع الثامن وهو أبعد من مرجعكم. Il dit, moi je suis dans le huitième dortoir, il est encore plus loin que le vôtre ou que votre dortoir à vous. أيهما أحسن. Que dit, lequel des deux est le meilleur? علي يقول المرجع الخامس أحسن فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف. Donc Ali dit que le dortoir 5 est meilleur car ses chambres sont plus larges, plus grandes, que ses fenêtres sont plus grandes, que ses toilettes sont plus propres et que les lits qui y sont, ils sont plus beaux. Quel est le dida la tiachazna, la d'adders, yudjed arba'atash. Taïeb, arba'atashar, ça c'est 14. Yujed Aksar, ça va être, c'est ça le sujet du dars, Inch'Allah, c'est Ism Tafdil. On va expliquer et ça va être compris, Inch'Allah. S'il y a d'autres, je. Khot, c'est l'écriture. Vous voyez, la khot, ça peut être une ligne, plein de choses, et là, le maksoud dans ce dars, c'est l'écriture. Bien qu'on peut l'employer pour d'autres choses. Ça peut être une route, ça peut être une ligne. Même les lignes aériennes, tu dis les khutut al-jawaiya, c'est-à-dire c'est pour dire les lignes aériennes. On a vu Akhi et Shaqiq. Shaqiq, c'est frère de sang. C'est-à-dire, el-akh, el-shaqiq, c'est le frère de sang. Mahja, ça c'est un dortoir. Ou le seken, le lieu où se regroupent les étudiants en dehors de leur douce. Là où ils dorment, là où ils se reposent. نعم ومراحيض c'est le jam de mirhad, c'est les toilettes. والسرور on avait pris, c'est le jam de sarir, les lits. Ça peut être aussi un divan, ça peut être ce genre de choses, chose sur laquelle on se repose, on s'allonge. Tamam. Anfad aussi. Andaf. Andaf, ça va venir, c'est istofdil. Ça va venir, c'est le dars. Comme j'avais dit, ou comme pour Akthar. Tout ça là, Akthar, Atwal, tout ça, ça va venir, Inch'Allah, c'est le dars. Tayyib, Tamarin, Al-Awwal, Ajib al-Asilati al-Atiya, Wathani Kazalik, Filbeit. C'est répondre aux questions suivantes, qui sont relatives au texte. Et le deuxième, c'est pareil, mettre un trait devant les phrases correctes et une croix devant les phrases qui sont fausses. Tayyib, Fahada dars, Kamakutulak. Ce ders, il se rapporte au ism tafdil. C'est un nom qu'on emploie en vue de préférence, à la base. C'est-à-dire qu'il peut être employé pour d'autres choses, mais la base, c'est qu'on l'emploie pour un superlatif. Mettre une chose supérieure à une autre. Par exemple, Jamil. C'est-à-dire, Jamil, par contre, ça pourra. Jamil. Taïeb. Jamil, Marlouf, ça veut dire beau. Taïeb, ça veut dire beau. Maintenant, Le ism tafdil, il va servir à quoi? À dire plus beau. Et, par exemple, tu dis Mohamed Jamilun ou Ahmed Ajmalu Minhu. Et Ahmed est plus beau que lui. Donc le ism tafdil de Jamil, ça va être Ajmal. Il y a Ajmal. À la wazn af'al. Ils viennent tous avec cette forme-là. Avec un Hamza en premier. Après sa première lettre. Ça y est. Après sa deuxième lettre. Et après sa troisième lettre. Af'al. Et on avait vu aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, dans le kitab Awel, que ces noms-là, ils sont Mamnoum et Asrafnaam. Ça y est. Cela, c'est des awsaf, c'est des descriptions. Et ils sont sur la mesure Af'al. Ça reviendra, Inch'Allah. Donc en fait, tout ism tafdil d'un nom, il vient sous cette forme-là. À la wazn af'al. Mathalen, Ali ou Alim, ça va être quoi? A'lam. Donc Mathalen, Mohamed A'limun, ou Zaydun A'lamu minhu. Vous voyez, Mohamed est savant, et Zayd est plus savant que lui. Après, tu viens avec minhu, c'est-à-dire que le harfoujal est pour dire deux. Donc ism tafdil, il vient comme ça. Donc là, il donne des exemples. Dans le kitab, il dit, Mesalen, Hashimun tawilun wa hamidun atwalu minhu. Donc, atwal, c'est le ism tafdil de tawil. Hashim est grand et Hamid est plus grand que lui. Aminatu, sahiratun wa zaynabu asharu minha. Vous voyez, Amina est petite et Zeynep est plus petite qu'elle. Donc on voit aussi que l'ism tafdil, lorsqu'il entre deux comparatifs féminins, eh ben il est pareil pour le masculin au féminin. Il est mutlaq, il est mixte. Ils ne sont pas pareils. Tu vas dire, Masalen, Aminatu akbaru min Fatima. Ainsi de suite. Dès qu'il est entre deux comparatifs. Après, si tu viens avec un seul sans un deuxième comparatif, c'est une autre règle. Qui viendra plus tard, Inch'Allah. طيب اول يقول هذا الكتاب اسهل من ذلك اسهل c'est l'ism tafdil de quel mot سهل سهل qui veut dire facile donc ce livre est plus facile que celui-là هذه السيارة اجمل من تلك donc cette voiture est plus belle que celle-ci اجمل c'est l'ism tafdil de جميل حمزة اكبر مني سنا Hamza est plus grand que moi en âge donc l'akbar min La. Kabir. Sinan là c'est un tamiz, ça viendra plus tard. Quand tu dis comme ça, Hamzatu Akbar Mini Sinan, c'est qu'il est plus grand que moi en âge. Haoulaï Tulaibu Arsanu Min Ulaika. Donc ces étudiants sont meilleurs que ceux-là. Arsen Ism Tafdil Min Aïsm, de quel nom? Hassan. Naam. Beiti Abadu An El Madrasati Min Beitika. Donc, ma maison est plus éloignée de l'école que ta maison. Donc, Abad, ism tafdil min Ba'id. Huwa asraru minni ou minna sinnan. Il est plus petit que nous en âge. Asra, ism tafdil min Sarir. Khatti, arsanu min khattik. Mon écriture est meilleure que ton écriture. Arsanu, ism tafdil li Hassan. Hadha al-shari'u anzafu min dhalika. Donc, cette rue est plus propre que celle-ci. Donc, anzaf. Ism tafdil de Nadif. Al-labanu ahsanu min al-shay. Donc le laban, le lait, est meilleur que le thé. Ahsan ism tafdil min Hassan. Hadi as-sa'atu arkhasu min tilk. Cette montre est moins chère que celle-ci. Donc arkhas ism tafdil de Rakhis. Rakhis. Naam, ahsan. طيب يقول كون جملا من كلمات الآتية مستعملا اسم تفضيل donc fais des phrases en employant les mots suivants ceux qui sont exposés en dessous en employant اسم تفضيل مثلا يقول هاشم طويل عثمان donc كيف تقول هاشم أطول من عثمان نعم هاشم أطول من عثمان من عثمان عثمان عثماني عثمان نعم القاهرة كبير الرياض القاهرة أكبر من الرياض. نعم. Qui est plus grand que Riyad. هذا الفندق نظيف ذاك. هذا الفندق أنظف من ذاك. Cet hôtel est plus grand que celui-ci. اللغة العربية سهل لغة الفرنسية. اللغة العربية أسهل من اللغة الفرنسية. نعم. La langue arabe est plus facile que la langue française. Et plus belle aussi. Et plus profitable. أنا كبير هو. أنا أكبر منه. نعم. Je suis plus grand que lui. هو صغير أنت. هو أصغر منك. نعم. Il est plus petit que toi. الرجال كثير النساء. الرجال أكثر من النساء. لكن هذا القول ما هو صحيح. هذا القول يعني تقول الفاظ الكوالك في الحقيقة ما هو صحيح. اللي فهم صن بينهم بوسك لازم. صن بينهم بوسك لازم. أنا ما أعرف. حتى أكثر أهل النار من هم؟ النساء. نعم. لكن على خلاف ذلك من أكثر أهل الجنة؟ النساء. كذلك. أيوة. beaucoup de gens disent ouais c'est les femmes qui sont dans au feu ouais mais au paradis aussi parce que chaque comme dans le charia, chaque homme aura deux filles de Bani Adam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux que nous aussi. Donc c'est pareil. Non. Tayyib. Anta ahsanu ana. Anta ahsan minni. Ahsanu minni. La. Anam. Non. Tu es meilleur que moi. El mawzu rakhisun el inab. El mawzu arkhasu min el inab. La banane est moins chère que le raisin. الشمس بعيد القمر. الشمس أبعد من القمر. Le soleil est plus éloigné que la lune. مفهوم ماذا؟ نعم. هذا سؤال هذا مهم جدا. خامسا اقرأ الأمثلة ثم حول الجمل الآتية على غرارها مستعملا اسم تفضيل. Donc il dit de lire les exemples suivants et ensuite de transformer les phrases qui sont exposées sur le même exemple que ce que tu veux qu'on va lire maintenant. Yakul, Mohammedun, Talibun, Hassanun. Donc Mohammed est un bon étudiant. Tu dis après, Mohammedun, Ahsanu, Talibin, fil fasl. Donc là c'est, Mohammed est le meilleur étudiant de la classe. Quand tu mets le ism tafdil en mudaf et ensuite tu mets un mudaf ili derrière lui, vous voyez, par exemple, comme là, ils disent « Ahsanu Talibin », c'est-à-dire c'est le meilleur étudiant. « Kafikuli ta'ala », vous voyez, « Alaysallahu bi ahkamil hakimin ». Vous voyez, n'est-ce pas Allah le meilleur des juges? Ou « Tabarakallahu ahsanil khaliqin ». Vous voyez, et Allah est le meilleur des créateurs. Donc, le nom qui vient à Mudaf Ilayhi après, à Ism Tafdil, il se rapporte à lui. Il est de sa catégorie, quoi. « Mathalan idan, hadha baytun jamilun ». C'est une belle maison. هذا أجمل بيت في الشارع. Donc ça, c'est la plus belle maison de la rue. أمينة طالبة صغيرة. أمينة est une petite étudiante. أمينة أصغر طالبة في المدرسة. أمينة est la plus jeune, plus petite étudiante dans l'école. طيب. فالأنت فعل نفس الشيء مع الجمل آتية. وهذا سيكون في البيت. Inch'Allah. Fahim Talqazd, t'as compris? Taïeb. Non, pas à la maison. Là, juste pour un peu l'exemple, pour être sûr que c'est bien assimilé. Taïeb. Saadisan. Maintenant, ça va être quoi? Yata'arak bi lakinna. Lakinna, c'est parmi les sœurs de Inna. Taïeb. Et de la'alla. C'est le même travail. On avait dit quoi? Qu'elle rentre dans les jumla ismiya et qu'elle change le muqtada en ism et le khabar en son khabar à elle. Mathalan, si on dit Muhammadun qa'imun, si on rentre inna, on va dire inna Muhammadan qa'imun. Si on rentre la'alla, on va dire la'alla Muhammadan qa'imun. Mais maintenant, la qa'imun. C'est Muhammad qui est l'ism qui est mansoub. C'est avec l'Issa que ça devient c'est le khabar qui est mansoub. Donc là, la kinna, ça fait le même travail. Elle va rentrer dans une jumla ismiya, ça y est, et le mutada va devenir son ism à elle, et son khabar khabar à elle. Ça veut dire quoi la kinna là? La kinna s'appelle harf استدراك حرف نصب طيب لكن ده سي حرف نصب و استدراك ما معنى هذا لكن ده سي حرف سي با اسم سي با فعل نصب parce que le nom qui est amené après elle منصوب comme inna comme لعل استدراك ça veut dire quoi qu'elle est là pourquoi pour t'empêcher de penser une chose qui pourrait te rester dans ton esprit مثلاً tu dis Mohammedun كبير كبير مثلا طيب كبير donc Mohamed est grand qu'est-ce qu'on se dit quand quelqu'un est grand en général qu'il est fort quand on dit quelqu'un est grand طيب qu'est-ce qui vient en premier à l'esprit qu'il est fort طيب en général hein, parce que c'est pas une règle là, tu vois on sait que c'est pas tout grand qui est fort donc la kinna il vient pour quoi justement pour t'empêcher de penser ce qui n'est pas correct par rapport à la réalité. Tu veux dire par exemple, Mohamed Kabirun, lakinnahu da'if. Cependant, il est faible. Parce que tu veux t'imaginer qu'il est fort. Donc lakinna viendra pourquoi ? Pour contredire ce que tu pourrais t'imaginer. Ou affirmer une chose, ou avec une négation sur une chose. Par exemple, tu veux dire Mohamedun Sahir, donc tu veux t'imaginer qu'il est faible. Lakinnahu kawi, tu vois. Ou Mohamedun Salih, donc tu veux dire qu'il est alim, lakinnahu jahil. Tu vois ? En fait, c'est ça. Tu vas dire lakinnahu da'if. À la fin, il n'y a plus de place. Donc, ça, c'est l'idolok. Pour t'empêcher de quoi ? De t'imaginer une chose qui va traverser l'esprit, qui sera déduite de ce que tu auras lu avant. Lakinna, elle vient avec une phrase qui l'a précédée. Obligé une phrase devant. Tu ne peux pas dire lakinna ou da'if. Lakinna ou da'if, esh. C'est passé quoi avant ? Pourquoi tu me dis il est faible ? Il y a besoin d'une précision avant, tu vois. Donc, lakinna, elle vient avec une phrase qui affirme une chose ou qui en nie une autre, et lui vient pourquoi ? Pour contredire ou pour t'éclaircir ce que tu pourrais t'imaginer qui n'est pas correct. Pas mal ? Et là, on a mis Kadomir, lakinnahu, mais c'est pas une isme dhahir. Lakinna Muhammadan da'ifun. Ça fait le même travail que inna. Voyez ? Là, le hu, damir, c'est son isme. Et da'if, c'est quoi ? Son khabar. Là, c'est quoi ? Muhammadun kabir, huwa da'if, mathalan. Elle est cool, Mohamed al-Kabirun, la kinna ou da'ifun. Vous voyez ? On fait ça la kinna. Taïb. Yakul, ikra al-Mithalayn, lis les deux exemples. Thumma, urbut, bena kul les jumlatayn, fima yali, mustamalan la kinna, wa alam anna la kinna min akhawat inna. Donc il dit, lis les deux exemples, et ensuite tu dois lier entre les deux phrases. Taïb. En utilisant la kinna, tout en sachant que la kinna parmi les sœurs de inna. Donc elles font le même travail. Mathalen, exemple, At-tullabu kasirun. Ça c'est la première phrase. Deuxième phrase, Al-faslu saghirun. Donc tu vas dire, les tullab sont nombreux et la classe est petite. Donc comment ça devient avec la kinna? At-tullabu kasirun, la kinna al-fasla saghirun. Donc les tullab sont nombreux, cependant là, classe est petite. Pourquoi ? Si on te dit qu'ils sont nombreux, tu vas t'imaginer que la classe elle est grande pour pouvoir tous les contenir. Ben en fait, non, elle est petite. Deuxième exemple, il dit Hamidun Mujtahidun, donc Mohamed est studieux, Sadiquhu Kaslanu. Et son ami est un fainéant. Car en général, le studieux marche avec le studieux. Tu vois ? Hamidun Mujtahidun, Lakinna Sadiquhu Kaslanu. Donc, Hamid est studieux, cependant, son ami, Tayyib, est un fainéant. Tayyib. Al-An, Nakhouz, fil al-Jumal, latifin, fil tamarin. Awalan, Mohamedun Tawirun, Hamidun Kassirun. Mohamed est grand et Hamid est petit. Qu'est-ce que tu as dit ? Mohamedun Tawirun, lakin Hamidan Kassirun. Non, Mohamed est grand, cependant, Hamid est petit. Aminatu Mushtaidatun, Urtura Kasla. Amina. Et studieuse, sa sœur est fainéante. Aminatu mujtahida, lakin uqtuha. La. Lakin akhtaha. La. Lakin. Remplace. T'as mis la dhamma là où il ne faut pas et la fatha là où il ne faut pas. Lakin. اختها لا انصب اختها نعم أمينة مجتهدة لكن أختها كسلة كسلة كسلة سي لو مونيف دو كسلان D'ailleurs, c'est un truc aussi, un tambi, il faut faire, maintenant, dans les mots comme Johan, Kaslan, Tarban, Rodban, Al-Zalika. Aujourd'hui, les gens vont dire quoi? Ils vont te mettre un tamarbouta à la fin. Par exemple, ils vont dire Tarban, Tarbana. Ils vont dire Rodban, Rodbana. Ça, c'est pas correct. Vous voyez? Il y a des mots comme celui-là. Tu vas dire, par exemple, Tarban, tu vas dire Mohamed, Tarbanou, Aminatou, Tarba. Vous voyez? C'est pas Tarbana. Pas même? Et pareil pour le Djam. Le Puyat pareil. Ces mots-là, ce pas des mots qui, en général, prennent un Djamouzakal Salim. Tu ne vas pas dire Salim, Al-Tulabu Tarbanoun. Non, là, le Djam, il a une autre forme pour ces mots-là. Certains peuvent prendre le Temar Boutan, certains. Tu vois, il y en a certains qui prennent le Temar Boutan. Mais aujourd'hui, les gens, ils les mettent partout. Tu vois. Amina Tarbana, directement. Rodbana, Johana. Tu vois, là. Donc, ne pas se précipiter à répéter tout ce qu'on entend, surtout en ces jours-ci. Ça y est, on l'a pris, ça y est, tu l'as fait. Thalithan, hadha darsu tawilun, huwa sahlun. Ce cours est long, il est facile. Kif taqul? Hadha darsu tawilun, lakinnahu sahlun. Sahlun. Naam. Donc ce cours est long, cependant il est facile. Parce qu'on, quand on se vient un darsu long, on peut s'imaginer que quoi? Qu'il est difficile. Chose qui n'est pas le cas. سيارتي قديمة هي قوية. Ma voiture est ancienne et elle est puissante, forte, costaud. سيارتي قديمة لكنها قوية. نعم. Ma voiture est ancienne, cependant, elle tient la route, allez, on va dire comme ça. أخي متزوج أنا عزب. Mon frère est marié, je suis célibataire. أخي متزوج لكنني عزبون. عزبون. Hmm? J'ai entendu عزب. Non, j'ai dit عزب. Ah, j'ai compris. Attends, après. سادس. إبراهيم فقير عمه غني جدا. إبراهيم est pauvre et son oncle paternel est très riche. إبراهيم فقير لكن عمه عمه نعم عمه غني جدا نعم إبراهيم pauvre cependant son oncle paternel est très riche. بيتك جميل جدا وصغير. Ta maison est très belle, elle est petite. بيتك جميل جدا لكنه صغير. نعم. Donc ta maison est très belle, cependant elle est petite. Ma foum yani lakinna tambi. Fais attention avec lakin. Parce qu'il y en a deux. Il y a lakinna avec une chedda sur le noun et il y a lakin. Ça c'est harf atf. C'est un autre truc. Par exemple, tu dis par exemple ma darabtu Mohammedan, lakin Zaydan. Je n'ai pas frappé Mohammed, mais Zayd. Ça, c'est dans le hurouf al-atf. Ça viendra après. Donc, fais attention, il y en a deux. Il y en a un, tu as une phrase ismiya qui vient derrière, c'est celui-là. Et l'autre, ça dépend ce qu'il y a devant lui. Donc, ça, c'est inch'Allah, quand on fera l'atf, tu verras, inch'Allah, la différence. Mais les deux ne sont pas les mêmes. Ça, bien. On reste toujours dans Inna et ses sœurs. Maintenant, on va prendre quoi? Une nouvelle sœur à Inna, c'est Ka'anna. Ça y est? Ka'anna. Akada. Ka'anna. Et ça, c'est Ka'anna. Afwan al-Khat. J'écris. Harf. Nazm. Ça y est? Watajbi. Tajbi. Tajbi, c'est une ressemblance. Ça, c'est un harf. Voyez, c'est pas un isme, c'est pas un fiel. Non, parce que le isme qui vient derrière, il est mansoub. Elle fait le même travail que inna la kinna. C'est la même chose. Voyez, le isme, il est mansoub et le khabar, il est marfou. Et c'est, elle vient pour faire quoi? Également, une comparaison ou une ressemblance avec une chose. Par exemple, cool. Ka'anna Zaydan Asadun. C'est comme si Zayd était un lion. Je compare Zayd à un lion. Vous voyez, c'est, en fait, ça se traduit par c'est comme si. Souvent. Ou je te dirais par exemple, ce prendre là, Ka'annani Alifouk. C'est comme si je te connaissais. Vous voyez. Donc en fait, c'est ça quoi. Et c'est parmi les sœurs de Inna qui font que son ism il est mansoub. Et son khabar, il est marfou. Donc maintenant, il dit Ikra al-misalayn, summa atril ka'anna. Al-jumal atiya ilman bi anna anna ou bi anna ka anna afwan min akhawat inna. Donc on insère ka anna dans les phrases suivantes, à savoir que ka anna est parmi les sœurs de inna. Mathalan man hadha al-fata ka anna hu akhuk. Qui est ce jeune garçon? C'est comme s'il était ton frère parce qu'il te ressemble en fait. Man hadi at-tifla ka anna ukhtuk. Qui est cette petite? C'est comme si elle était ta sœur. Pas mal. On prend la même phrase en fait, on fait juste qu'Anna aux amis. Donc... Là, en fait, c'est toi là, on fait ce qu'il y a devant. Non, en fait, toi, tu rentres qu'Anna dans la représentation. Il voit Zamilouk, comment tu vas dire? Qu'Anna aux amis. Ah, ouais, non. Ka'annahi. Donc, il est Wazamilouk, son camarade. Tu vas dire, Afwan, on recommence. Ka'annahu Zamilouk. Nam. Hiya Tabibatun. C'est une docteur. Ka'annahi Tabibatun. Ka'annaha. Nam. Ka'annaha Tabibatun. Hum Tullabun. Ils sont des étudiants. Ka'annahum Tullabun. Nam. Anta Maridun. Ka'annaka Maridun. Nam, tu es malade. Ou un mudarrisun jadidun, c'est un nouvel enseignant. Ka'annahum mudarrisan. La. Ka'annahum mudarrisun jadidun. Naam. Anta ou anti ukht Maryam. Tu es la sœur de Maryam. Ka'annaki ukht Maryam. Naam. Et là, il a fait que des exemples avec des damaïr. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Ka'anna Muhammadan, tayyib kaza wa kaza. Ka'anna Zaydan, kaza wa kaza. Tayyib. Thaminan. Maintenant, retournons quoi? Dans Arkam el-Adad, dans les règles des chiffres. On a pris de 1 à 10 dans Kitab Awwal. On a pris de 100, 1000, ainsi de suite, au début du livre. Là, maintenant, on prend de quoi? De 11 à 19. Min ahad a'ashar, il est 17 a'ashar. Lil muzakkar, fakat. Voyez, lil muzakkar, fakat. Donc, attention, la règle change. On avait dit quoi de, on fait un récapitulatif. Le 1, il va venir en art. Rajulun wahid. Le 2, on prend le musanna. On rajoute alifonun. Rajulani. Le 3 à 10, on a dit que le mardoud, il vient mukhalif al-adad. Si ça mouzakar avec mouannas, ou l'axe. Et qu'il est pluriel, et qu'il est mudof. Ça s'appelle takol. Falatatu kutubin. Maintenant, de ahad a'ashar jusqu'à même Ishloun, c'est plus que tu t'attaches à Ishloun. Le Mardoud, voyez, le dénombré, il est Tamiz. C'est-à-dire, il est Nakira, Mufrad, Mansoub, comme tu le vois là. Ahada Ashara, Taliban. Voyez, Taliban là, c'est Tamiz. Comme tu le vois, il est Mufrad, c'est pas un Jam, on n'a pas dit tout l'aim. Comme tu vois, il est Nakira, il n'y a pas d'alif al-lam. Voyez. Et comme tu vois, également, il est mansoub. Il n'est pas marfou, il n'est pas majrour. Tout le temps, il est mansoub. C'est un tamiz. Comme je l'ai dit dans le kitab Awel, tamiz, il y a plusieurs catégories. C'est pas seulement après Kam. Voyez, il y a plein de genres. Et ça, parmi les genres, c'est celui qui tombe après un dénombré, un nombre. Voyez. Donc tu vas dire quoi? Ada fi nazir qouli ta'ala, comme dans le rapport d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la surat Yusuf, ce qu'on a Yusuf yabi yabadi ini raitu ahada ashara kawkaba. Oh, mon père, j'ai vu 11 planètes. Vous voyez? Là qu'on dit, donc le chéri c'est ahada ashara kawkaba. Kawkab c'est une planète. Il n'a pas dit kawakib. Kawakib c'est le pluriel. Kawkaba. Donc ça tombe comme taliban ici, c'est un mufrad, c'est un akira et c'est un mansoub. Donc tu ne dis pas Ahad al-Asham Salam Toulab. Là, ça ne se dira pas. Contrairement à notre langue à nous. Donc ça, c'est le premier fait. Deuxième fait, en ce qui comptait le Adad en lui-même. Ahad Ashara. Ahad Ashar, il n'y a rien à dire. Il reste normal. Sina Ashar, il n'y a rien à dire. Il reste normal. Cependant, de Salasta Ashar jusqu'à Tisarotisirin, de 13 à 19, il va prendre le nombre, hein, pas le dénombré, hein, le Hadad là, c'est pas le Mardou dont on parle, tu vois. Il va prendre une partie des règles de 3 à 10. C'est-à-dire, par exemple, si tu dis Salasata Ashar Taliban, Talib le Muzakar Mouannas. Salasa, il va être Mouannas. Tu vas dire Salasata Ashar Taliban. Ça y est. C'est-à-dire là, il va prendre une partie de la règle du 3 à 10. Là, le premier. Là, donc là, ça s'appelle quoi? Adad Murakkab. C'est un nombre qui est composé de deux nombres. Salasa, Asha. Donc le premier des deux, Salasa, il va prendre la même règle que de 3 à 10. Vous voyez? Si le Mardoud, il est Muzakkar, lui va être Mouannas. Et si le Mardoud, il est Mouannas, lui va être Muzakkar. Et Asha, lui, reste Muzakkar. Avec le Muzakkar. Et le Mouannas va venir dans notre ders. Donc tu dis quoi? Ahad Ashar Taliban. 11 étudiants. Isna Ashara Taliban. 12 étudiants. Salasta Ashara Taliban. 13 étudiants. Arba'ata Ashara Taliban. 14. Khamsta Ashara Taliban. 15 étudiants. Sitata Ashara Taliban. 16 étudiants. Sabata Ashara Taliban. 17 étudiants. Samanata Ashara Taliban. 18 étudiants. Tisata Ashara Taliban, 19 étudiants. Et Ishuruna Taliban, 20 étudiants. Et sache que de Ahad Ashar jusqu'à Tisar Tisrin, jusqu'à 419, le dénombré, ça va être un Mufrad Tamiz. Il va venir comme ça, comme Taliban. Tu vas dire par exemple Ishun Taliban, Salasun Taliban, Khamsa wa Ishun Taliban, ainsi de suite. Pourquoi on ne dit pas Salat Atou Ashar? Pourquoi on ne dit pas Salat Atou Ashar? Ça, c'est une autre règle encore. Toi, reste tout le temps mon soupe, sache-le. Tout le temps, il est qu'il fatra. Enfin, pas mon soupe, mais il est qu'il fatra. Tout le temps. Tu dis, par exemple, salam tout, voilà, salasta rachar. Tu vas dire, tu vas pas dire salasta si rachar. Tout le temps, c'est fatra. Donc, ne te fatigue pas, prends-le comme règle. Mutlaka, catégorique, il est tout le temps sur la fatra. Taïeb. Donc, ma fouma là? Non. Taïeb. Donc, ta si yakul ikrama yali, summa uktubuhu. Donc il te dit, lis ce qui suit, et ensuite écris-le avec les chiffres en lettres. Donc, Hada, il me dira, Inch'Allah, Sakun, Kazalik, Filbeit. Filbeit. Taïb, Ashiran, Ikra Mayali. Maintenant, il va donner quoi? Les nombres en nom. Masalan, 1, comment dire premier? Awel. Adersu, el awel. Pour dire le premier ders. Ça, c'est un truc, Inch'Allah, à partir du moment où on a lu le Kutub de Médine, c'est déjà assimilé, ça, tu vois. Das awel, das thani, ainsi de suite. C'est pour t'apprendre à dire quoi? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Comment ils viennent? Donc, pour dire le premier, tu vas dire El Awel. El Dersu, El Awelu. Et là, El Awelu, il va être quoi? Il va être Nart. Vous voyez? El Dersu, El Awelu. Thanian. El Dersu, El Thani. Le deuxième. Cours. El Thani. Thalith. El Dersu, El Thalith. Le troisième. Cours. Rabia. El Dersu, El Rabia. Vous voyez? Le quatrième. Cours. Khamis. Al-Darsu al-Khamis. Le cinquième cours. Sadis. Al-Darsu al-Sadis. Le sixième cours. Sabia. Al-Darsu al-Sabia. Le septième cours. Thamin. Al-Darsu al-Thamin. Le huitième cours. Tassir. الدرس التاسع le neuvième cours. عاشر الدرس العاشر le dixième cours. Et tout cela, tu peux le remplir pour plein de choses. Tu vois, par exemple, tu dis qui est le dixième homme à être entré. Tu veux dire man rajul al-ashir al-azidakhal, par exemple. C'est juste pas, c'est pas que avec le dars seulement. Là, c'est en guise d'exemple seulement. Tu vois ce que je veux dire? Donc le premier, c'est-à-dire comme ça, l'awwal, le deuxième, le sani, ainsi de suite. Et ça, c'est muzakkar. Mouannas viendra après. C'est ça. Mouannas, c'est juste un thème important. À part l'awwal. L'awwal, il est différent. Ouais, le direct le dit maintenant. L'awwalu, mouannasu, l'oula. Vous voyez, l'oula. Kafikul ta'ala. C'est déjà kum wardu oula huma. Si il vous vient le premier des deux rendez-vous, ou des deux promesses. Oula huma, la première des deux. Takul, atolibu l'awwal, wa talibatu l'oula. Voyez, et les autres, tu veux juste par le bouton. Athaniya, athalitha, arabira, al-khamisa. Voyez, ainsi de suite. طيب يقول أنعت الأسماء الآتية بعدد تربيعي المشتق من الأعداد المذكور أمام كل واحد منها. Donc il veut que tu mettes en tant que nart, طيب, le chiffre qui est entre parenthèses. Je l'écris comme ce qui a été cité dans le tableau au-dessus. Tu dis tarbi. Tu dis comment? Tarbi. Tarbi, non. Ordonné, non. Toyeb. Tfaddal. Al-Yom, entre parenthèses, il a mis 8. Qu'est-ce que tu as dit? Al-Yom, le Thamin. Non. Al-Sana, entre parenthèses, il a mis 4. Al-Sana, Al-Rabi'a. Al-Rabi'a. Al-Talib, entre parenthèses, il a mis 3. الطالب الثالث. أه؟ الثالث. الثالث نعم. الطالبة entre parenthèses il a mis 6. الطالبة لا. السادسة. السادسة. الدرس entre parenthèses il a mis 10. الدرس العاشر. البيت entre parenthèses il a mis 7. البيت السابع. الصفحة entre parenthèses il a mis 9. الصفحة التاسعة. الغرفة entre parenthèses 5. الغرفة الخامسة. الجوز entre parenthèses 1. الجوز الأول. نعم. الجوز entre parenthèses il a mis 2. الجوز الثاني. الجوز الثاني. طيب أنا مفهوم. طيب maintenant il va quoi t'apprendre à utiliser بلا. Quand est-ce qu'on utilise bala? Bala da harf jawab comme naam ou la ou ajal ou ainsi de suite. Et bala ça veut dire si ou en effet. Ça va être une question d'une négation dont la réponse sera une affirmation. Par exemple, tu diras n'es-tu pas, par exemple, du Maroc? Est-ce que tu vas dire oui? Tu vas dire si? Ou tu veux dire en effet. Bel c'est pareil. En arabe, tu veux dire bel. Je ne veux pas dire naam. Tu peux dire là, pour dire non, mais si tu veux affirmer, tu vas dire bel. Tu ne vas pas dire, vous voyez, tu ne vas pas dire oui. Kafikul ta'ala, alestu bi rabbikum, qalu bel. Ne suis-je pas votre Seigneur? Il dit si. Vous voyez? Donc, comme je t'ai dit, ça vient comme réponse d'une question basé sur une négation, mais dont on veut une affirmation en fait à la base. Par exemple, tu dis Anta, Anta Kamis Romadi, tu as un Kamis gris. Elle est sakazalika, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Bala. Bala, ah ouais. Elle est ta Yumtaza Widjin? Bala. Bala, aïe. طيب فالان يدون دي كيستيون اي توي تبي ريبون انا اقول انت من الهندي اليس كذلك فازي دي بلا سي جوست لو تمسي دو ليكزرسيس Donc il dit, ne tue pas, toi tu es de l'âme, n'est-ce pas? Donc il veut dire, bel, anta maridun. Alessa kazalika, tu es malade, n'est-ce pas? Bel. Non, si. الأول ليس صحيح ولكن الثاني صحيح. آه شرف الله. ثالث عشر أيهما يشير تذكر أيه؟ on l'a pris au kitab awel. C'est un اسم استفهام. quel؟ نعم. et souvent on a dit qu'il vient en tant que mudaf. et d'ailleurs le mudaf il est. ou ça peut être un damir. ou ça peut être un اسم ضايب. ça tu dis أي كتاب قرأت؟ quel livre as-tu lu؟ ou je dis مثلا ضربت رجلين أي أيهما ضربت tu as tapé deux hommes lequel des deux tu as tapé طيب donc là il dit أيهما يشير المدرس إلى طالبين يقول هذان طالبان أيهما أطول ولكتابين يقول هذا كتابان أيهما أجمل وكذا bon on ne peut pas la réaliser juste on va dire مثلا طيب هذان قلمان انظر ايهما اكبر لا دونس بلو غرو الازرق ازرق اكبر اكبر في الطول ولكن لا لا نفس طول نفس طول انظر ايوا الاسود ابيض اكثر ابيض والابيض اسود طيب هذان مكانان هنا وخلف أيهما أكبر مكان هناك نعم طيب الآن نخوض الكلمات الجديدة الأولا محجع كيف يدير دورتوا الجمع مهاجع معمول من الصرف كم مساجد فريق فريق سي سبيتا جروب من اكيب جم فرقاء طيب ويلي معمول من الصرف كم فقراء عالم معروف سافون الجم علماء لاعب c'est quelqu'un qui joue c'est un joueur لاعب الجم سي لاعبون جم مذكر سالم تحت tout en bas طيب et même souvent on dit pour les gens qui sont pas sérieux ou quoi لاعب un petit connard كوكب c'est une planète الجم سي كواكب Il est maintenant le sarf, pareil. Shakik, c'est, quand on dit Achul Shakik, c'est le frère de sang. Le jam, c'est Ashikkaou, comme Atibbaou. Donc il est maintenant le sarf. Shahir, on est, ça veut dire quoi, Shahir? Ça veut dire célèbre. Célèbre. Fi al-manam, fi harfajar, al-manam, c'est un rêve. Ce que tu vois dans ton rêve, dans ton sommeil. واسيع ça c'est déjà vu dans le kitab awel je crois c'est large nam ثمن c'est un prix le prix ثمن كذا et سيع كذا son prix sa valeur شهر c'est un mois et son pluriel c'est شهور ou أشهر et on a mis deux الأزهر la chance hein la chance non أزهر c'est le fleur Comment on dit la chance حظ وحظ. En parlant de Qarun. En parlant de Qarun. حظ. On dirait comme ça. حظ. Merci, Mouada. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait pris? On a pris Ism Tawhid. طيب. Qui est ce qu'on appelle, ils appellent ce pronom superlatif. On peut dire comparatif aussi, tu comprends entre les choses, par exemple, Tawil, son ism Tawil, ça va être Atwel. Sarir, Asra, Kabir, Akbar, Sarir, Asra. Et quand tu veux comprendre les choses, tu vas dire par exemple, Mohamedun Asgharu min Ahmed. Tu vas utiliser min. Ou si tu veux mettre un par rapport à une catégorie, par exemple, tu vas dire le plus petit étudiant, tu vas dire Asgharu Talibin. Ainsi de suite. On a pris également deux sortes de inna. On a pris. Ka'anna, voyez, harf tashbih, qui veut dire comme si. Et on a pris également la kinna, harf istidrak, qui veut dire cependant. On a pris également le adad de ahada ashar illa ishrin. Voyez, et on a dit que c'est un tamiz, mufrad, mansoub, nakira. Également, on a pris comment mettre les nombres en nom. Enfin, qui domine des adjectifs, le premier, on va dire l'awwal, deuxième, thani, troisième, thalith, ainsi de suite. On a pris donc bala, qui veut dire si, en effet, pour une question négative, dont on veut une réponse affirmative. Voilà, kada. Anaxwell? Oui. Manaxwell, il est kazalik? بلى فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.